Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la bonne antenne du 895. C'est mercredi, nous sommes le mercredi 15 mai 2024, troisième donc mercredi du mois. Et comme tous les troisièmes mercredis du mois, il va falloir vous y habituer. C'est donc la BD dans tous ses états qui démarre. Au rieur sanglier, c'est le nom de cette émission mensuelle que vous retrouvez donc une fois par mois, qui parle de bande dessinée, qui parle du 9e art, qui parle essentiellement de mes coups de cœur dans ce médium. Et on va démarrer tout de suite avec quelques BD d'actualité qui viennent de sortir. Et on va commencer par une page locale, comme on l'avait fait d'ailleurs le mois dernier, en vous parlant des éditions Jargy, la seule maison d'édition BD de la région stéphanoise. Eh bien, l'un de ses créateurs, l'un de ses instigateurs, Serge Prudhomme, avec son nom de scène de Deloupi, eh bien, sort aux arènes un magnifique bouquin de 150 pages, 24 € aux arènes, qui s'appelle « Amour, sexe et terre promise », sous-titré « Reportage en Israël et Palestine ». Donc, dans le titre, tout est dit. Il faut savoir que c'est scénarisé par Salomé Parent Rajdi. C'est une BD documentaire, c'est une enquête qui a démarré en 2018 et qui donne la parole à 16 témoins, hommes et femmes, palestiniens, israéliens, arabes, juifs, qui racontent comment la guerre et la religion s'insinuent dans leur vie, et spécialement dans leur vie amoureuse. Une vie sous le joug de la géopolitique, hein, bien sûr, avec beaucoup de délicatesse et de tact. Sans tabou, un éclairage assez inédit sur ce conflit qui ronge notre société déjà depuis un certain temps. Amour, sexe et terre promise, avec la charte graphique de Deloupi, un dessin qui est assez reconnaissable, très ligne claire, très agréable à la lecture, très documenté. 650 pages, ça valent comme un véritable roman, alors que même si c'est une fiction, bien sûr, elle est agrémentée de choses très précises, très réelles. Et Deloupi, encore une fois, fait mouche, comme il l'avait fait déjà avec Love Story à l'iranienne, avec Algérienne, avec Appelé d'Algérie. C'est un auteur avec lequel il faut compter, hein. C'est quelqu'un qui a démarré effectivement avec les éditions Jargy il y a plus de 20 ans et qui entre-temps s'est installé chez Casterman, chez Delcourt et maintenant aux arènes, sachant que là, à l'heure actuelle, ça c'est le petit scoop de Rieur Sanglier, c'est que, connaissant bien l'ami Serge, en ce moment, il passe beaucoup de temps au Rwanda. Il est au Rwanda jusqu'à la fin du mois de mai pour justement faire un prochain bouquin chez Futuropolis, certainement pour l'année prochaine, qui parlera effectivement là aussi d'un autre conflit. Amour, sexe et terre promise, donc reportage en Israël et Palestine, ça sort donc aux arènes, 24 €, 150 pages. Une autre actualité. Alors là, c'est une fiction là aussi qui rejoint un peu le documentaire. C'est quelqu'un que j'avais découvert avec plusieurs autres bouquins que je peux citer. Bien sûr, La Cité des 3-5 qui était sorti en 2017. J'avais adoré Les Assiégés qui est sorti en 2022. Et sa dernière œuvre, c'est La Pérouse 64 en 2023. Je veux parler de Vincenzo Bizzari, que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de la dernière fête du livre en 2023. Il est accompagné d'un scénariste qui s'appelle Emiliano Pagani. Ça s'appelle « Les ennemis du peuple ». Alors en fait, bien sûr, il y a un nom. C'est sorti en Italie sous un autre nom qui s'appelle « Nemici del popolo », qui veut dire « ennemi du peuple », là aussi. Alors, c'est quelque part en Italie. C'est une usine qui est en train de fermer. Il y a un mouvement de grève. Et là, on retrouve des personnages très ciblés. Hannibal, un vieux syndicaliste. Fabio, son fils, qui est plutôt quelqu'un de désabusé qui se cherche, et puis Chiara, qui est l'ex-petite amie, qui travaille, elle, pour les services sociaux italiens et qui est spécialisée dans l'arrivée des migrants. Et puis ici, bien sûr, aussi un certain Mirko, un ouvrier dessinateur. En fait, chacun essaye de trouver sa voie et une issue en fait, à ces différents conflits. Et au milieu de cette crise, on va trouver un revolver, un corps gisant dans un fossé, un braquage un peu minable, puis surtout des rêves qui partent en fumée. Ça donne effectivement une bande dessinée qui pourrait tirer vers le polar, ou le policier, mais qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt beaucoup plus large, qui est, comme je le disais, une sorte de BD documentaire avec la magnifique charte graphique de Vincenzo Bizzari. C'est quelqu'un qui sait parler de son pays, donc l'Italie, qui n'hésite pas à mettre le doigt là où ça fait mal. Et ça donne une BD à la fois très réaliste et à la fois probablement pleine d'espoir aussi. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu en lisant ce bouquin. Ça sort chez Glénat, 22,50€, 136 pages. La BD maintenant a trouvé sa formule de croisière. Hein. C'est souvent des BD qui font plus de 100 pages. On est loin du format, le fameux 48cc de la ligne claire. Dans les années 50-60, les 48 pages cartonnées couleur. Là, effectivement, les auteurs, on leur donne la possibilité de s'étaler un peu plus. Et c'est tant mieux. On va faire une petite respiration musicale dans Rieur Sanglier et on se retrouve tout de suite après ça. Vous êtes bien sur le 895 de Radio Dio dans Au Rieur Sanglier, le magazine mensuel de la bande dessinée dans tous ses états. C'est surtout ce mois-ci des coups de cœur. On a parlé de Amour, Sexe et Terre Promise qui sort aux arènes, sous-titré Reportage en Israël et Palestine, qui est vraiment un de mes coups de cœur et en plus un coup de cœur local puisque c'est l'ami Deloupi qui a mis ça en scène, entre guillemets, puisque c'est un auteur stéphanois, pur jus. Et ensuite, on a parlé des Ennemis du Peuple de Vincenzo Bizzari et d'Emiliano Pagani, qui sort chez Glénat. Et là aussi, une fiction qui se transforme en BD documentaire comme Amour, Sexe et Terre Promise. Et on vient de se mettre dans les oreilles un petit morceau du nouvel album de Honeymoon, musique suave, ça s'appelle My Second Line. J'avais aussi envie de parler ce mois d'une maison d'édition qui est proche de nous, proche de chez nous, puisqu'ils sont situés à Villeurbanne, dans la région lyonnaise. C'est les éditions Tanibis. Tanibis, ils font feu de tout bois depuis un sacré paquet d'années. Et là, ils nous sortent une magnifique nouveauté, 328 pages, 27 euros, 328 pages quand même, signé par Aurélien Maury, ça s'appelle Oléni. Alors, Aurélien Maury, que j'avais eu l'occasion de rencontrer pas mal de fois, que ce soit à la Fête du Livre ou ailleurs, ou dans ma librairie de l'époque, m'avait totalement comblé avec une petite BD qui s'appelle Le Dernier Cosmonaute, qui est sorti en 2011. Et puis en 2016, Achevé d'imprimer m'avait totalement convaincu. Et là, il nous revient avec une BD qui s'appelle Holeni. C'est une sorte de conte horrifique avec la relation très étrange et très toxique entre un personnage féminin et une jeune femme plutôt qui s'appelle June. Et une espèce de monstre glouton qu'on a du mal à situer au départ. Ce serait difficile de décrire cette espèce d'animal avec des pattes, une espèce de ventre rebondi avec bien sûr des yeux, mais qui ne s'exprime pas ou que d'une manière gutturale. Et en fait, June, elle a été un petit peu déboussolée par un déménagement qui l'a beaucoup dérangée puisqu'elle change de région, son compagnon étant nommé, travaillait dans une grande entreprise, étant nommé dans une autre ville. Donc elle s'installe, elle est un peu livrée à elle-même, c'est une jeune vétérinaire. Et elle va trouver, lors d'une promenade un peu bucolique, une espèce de créature comme ça, assez gluante. Et elle se prend d'affection. Et ça donne en fait une espèce de conte un peu toxique. Et ça me fait penser, pour les gens qui sont déjà un peu férus de BD, à un auteur comme Daniel Klaus, grand auteur américain, un des meilleurs auteurs américains pour moi, de la bande dessinée actuelle américaine. Et ça fait penser un peu au cinéma de Cronenberg. Et ça donne, dans Holeni, ça donne cette espèce de conte, 328 pages quand même, qui arrive à prendre le temps d'expliquer cette histoire, mais encore une fois, une histoire très vénéneuse, qui n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, ça c'est sûr. C'est donc signé par Aurélien Maury, chez Tanibis, donc ce fameux éditeur villeurbanais. Magnifique bande dessinée. Aurélien Maury, c'est quelqu'un qui a un trait très clair, qui vraiment pourrait faire partie de l'école Ligne Claire, l'école franco-belge des années 50-60. Et qui, c'est marrant d'ailleurs, le côté un peu paradoxal de son dessin par rapport à l'histoire. Je continue avec quelque chose qui n'a rien à voir, qui sort chez Rue de Sèvres. Alors Rue de Sèvres, c'est plutôt une maison d'édition qui fait beaucoup pour la BD jeunesse. Et ça sort, c'est un 80 pages qui coûte 20 €. C'est signé Fabien Vellman et Jean-Baptiste Andréae. Alors Fabien Vellman, pour moi, c'est une sorte de Rolls du scénario BD. C'est quelqu'un qui a été révélé, on va dire, par la série Seul, qui est Seul, cette série jeunesse un peu fantasmatique qui a été adaptée au cinéma, que j'avais adoré dans Jolies Ténèbres et dans Les 5 conteurs de Bagdad. Et Jean-Baptiste Andréa, j'avais beaucoup aimé sa série Azimut. Alors là aussi, c'est une sorte de conte. Oui, on pourrait dire un conte. Je dirais plutôt un récit, un conte cruel, plutôt un récit anthropomorphique où là, on met en avant les animaux qui parlent. Et puis surtout, un petit personnage, une jeune enfant qui s'appelle Blanchette, qui va être vite surnommée Trois fois mort, qui se retrouve en fait à l'intérieur d'un mystérieux massif qu'on appelle la Dent du Chat. Et dans ce mystérieux massif vivent des ogres qui sont fins gourmets, et leur mets de choix, c'est de se délecter avec des enfants. Donc là aussi, conte cruel à ne pas mettre entre toutes les mains. Magnifique dessin de Jean-Baptiste Andréae. Pour les gens qui aiment la fantasy, qui aiment le fantastique, ça donne une BD qui est délectable, bien sûr. Et c'est un des coups de cœur de Au Rieur Sanglier. Vous êtes bien sur la bonne antenne, il est 10h13 et on se fait une petite respiration musicale avec ça. Seven mice, seven balls. Only tricks and many hopes. Seven eyes, seven lips. Know the place where she sits. Who's gone wrong? Who's gone wrong? Seven cries, seven graves. Gonna strike you on the way. Seven lands and seven shoes. Only 7 days to lose. Who's gone wrong? Who's gone wrong? Thank you. lives, seven bones. Only tricks and many holes. 7 miles, seven lips. Know the place where she sits. Who's gone wrong? Who's gone wrong? Who's gone wrong? Who's gone wrong? Horreur Sanglier, le magazine mensuel de la bande dessinée sur le 895 de Radio Dio. On se retrouve donc le troisième mercredi de chaque mois. Nous sommes le 15 mai, donc le troisième mercredi. Effectivement, ça peut paraître un peu bizarre, le premier mercredi étant tombé le 1er mai. Voilà. Ce qu'on vient de se mettre dans les oreilles, c'est quelque chose qui a strictement à voir avec le 9e art, avec la bande dessinée, puisque c'est le groupe Sherpa qu'on vient d'écouter. Alors bien sûr, ça pas grand chose forcément à beaucoup de monde. Le morceau, c'était Seven Miles. C'est un album qui a une dizaine d'années et ce qu'on a entendu au chant et à la guitare, c'est une espèce de superstar de la bande dessinée maintenant. Il s'appelle Fabrice Caro, donc Fab Caro. Fab Caro qui a été adapté au théâtre, au cinéma, etc. Qui est un auteur assez incroyable du sud de la France que j'ai eu la chance de croiser pas mal de fois et peu de gens savent qu'il a quelques talents aussi de musicien et c'est le cas avec Sherpa. Cette musique très acoustique et très investie, on va dire. C'était donc Seven Miles, c'est tiré de cet unique album de Sherpa. On en revient à l'actualité de la bande dessinée et je vais vous parler d'un bouquin qu'on peut considérer comme un comics. Puisque ça sort chez Urban, Urban Comics. Urban, c'est vraiment une maison d'édition, tout du moins une filiale des éditions d'Argo qui fait beaucoup, beaucoup de bien pour le comics américain. Et là, on va partir effectivement, bien sûr, aux États-Unis, retrouver ce qui est pour moi là aussi un des très grands scénaristes à l'heure actuelle dans le monde de la BD. Je veux parler de Jeff Lemire, le Canadien, qui est un scénariste vraiment hors pair. Quelqu'un qui, je pourrais citer Swamp Thing, je pourrais citer Green Arrow. C'est vraiment des séries qui ont marqué le lectorat comics américain. Et il est accompagné d'un dessinateur qui s'appelle Joke. Joke, c'est quelqu'un qui a dessiné beaucoup, beaucoup de choses chez DC Comics. Et là aussi, c'est lui qui avait dessiné Green Arrow. Il a fait aussi, il a fait du Batman, il a fait pas mal de choses, il a fait le One Dark Knight, etc., etc. Et en fait, ils se sont accoquinés pour faire une BD qui vient de sortir, qui est sortie fin avril, là, qui s'appelle Snow Angels, qui est un one-shot, hein, c'est simplement une histoire en un seul tome, ce n'est pas une série. Et ça réunit donc deux grands noms de la bande dessinée américaine contemporaine. Et en fait, ça réunit surtout deux thèmes qui leur sont très chers, c'est la dystopie et la famille, puisqu'on retrouve en fait trois personnages. On retrouve Milliken, une jeune ado qui a 12 ans avec sa sœur Maë, et puis le père qui s'appelle Carl et qui vivent dans la tranchée. Alors c'est quoi cette tranchée? En fait, c'est un no man's land glacial donc, qui a été fait tracer par une sorte de guerriers mythologiques qui ont créé cette tranchée. Et en fait, dans cette tranchée, il y a trois règles. La règle numéro un, c'est que la tranchée, pour rester en vie, pourvoie à votre bien-être, entre guillemets. La règle numéro 2, c'est qu'on ne doit jamais quitter la tranchée. En dehors de la tranchée, il n'y a que la mort. Et la règle numéro 3, c'est que la tranchée n'a pas de fin. Et évidemment, dans Snow Angels, tout ça va être remis en question par ces trois personnages, par ces donc, deux enfants et cet adulte. Et ça donne un récit qui est proche de l'os, qui effectivement fait froid dans le dos, puisqu'en plus, on est en train de vivre une période glaciaire. Et un peu comme dans Snowpiercer, je pense que vous avez vu le film ou peut-être vu le bouquin Snowpiercer. Voilà, donc ça donne une BD de 264 pages, 24 euros quand même, faut-il le préciser, chez Urban Comics, dans une atmosphère glaciaire, une sorte d'aventure entre guillemets, forcément très glaciale, où il va se passer énormément de choses, de péripéties, et en fait surtout les deux enfants vont être livrés à eux-mêmes. Autre chose, alors qui n'a strictement rien à voir, mais on reste un peu aux États-Unis, avec un bouquin qui sort chez Futuropolis, qui s'appelle Année Truman Capote. Pourquoi Année Truman Capote? Enfin, en fait, le bouquin s'appelle Retour à Garden City, Année Truman Capote, parce que le grand écrivain américain aurait fêté cette année, en 2024, ses 100 ans. Et là, on retrouve cette BD avec au dessin un Espagnol bontin qui s'appelle Nadar et un scénariste qui s'appelle Xavier Betocourt. Ça sort donc chez Futuro, 112 pages, 21 €. Et alors, il faut savoir que c'est pas la vie de Truman Capote, c'est un moment très précis justement de sa façon d'écrire, puisqu'on se retrouve à la fin des années 50, en 1959 précisément. Et là, il va se passer un fait divers hein, qui a beaucoup marqué apparemment les États-Unis dans cette Amérique de 1959. Ça se passe au Texas. C'est une famille de fermiers qui est assassinée par deux hommes, a priori sans mobile. Donc les deux coupables encourent bien sûr la peine de mort puisqu'ils sont retrouvés. Et là, Truman Capote va se déplacer, va faire finalement comme un détective privé une enquête parce qu'il a envie d'écrire un bouquin là-dessus. Il a envie d'écrire un récit vrai, un récit qui n'est plus une fiction. Il va s'attacher en particulier à un des condamnés à mort. Donc il va les rencontrer plusieurs fois. Il va aller donc sur les lieux, il va rencontrer les gens qui vivent dans cette petite ville. Et ça va donner d'ailleurs un bouquin qui va sortir en 1966 aux États-Unis, qui va être son plus grand succès, qui s'appelle « De sang-froid », qui l'année d'après, en 67, va être adapté. Du coup, ça va lui permettre de retourner sur les lieux de ce crime. Et ce qui va être un peu un champ du cygne pour Truman Capote, puisqu'il n'écrira plus jamais rien. Il faut savoir que Truman Capote, encore une fois, c'est un peu un élément de la pop culture américaine. C'est quelqu'un qui a été très proche d'Andy Warhol, qui a rencontré bon nombre de stars, etc., qui vraiment vivait dans cette pop culture. Et ça donne un bouquin qui est, encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas Truman Capote, je pense que ça va leur donner envie de lire De sang-froid. Ça donne encore une fois une histoire policière, mais encore plus que ça. C'est un superbe cliché de l'Amérique des années 50 et 60. Et ça donne donc ce bouquin qui s'appelle Truman Capote, retour à Garden City, qui sort donc chez Futuropolis, 112 pages, signé Nadar et Xavier Betocourt. On va se faire une nouvelle respiration musicale qui va avoir un rapport évident avec la BD dont je vous parlerai tout de suite après ça. Petit problème qu'on va réparer tout de suite. Ce qu'on se met dans les oreilles, on va tout de suite y retourner si la machine veut bien. Allez, c'est parti. Et c'est du vinyle. platement pour ce petit problème technique. Concernant donc ce petit 45 tours vinyle, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'était un titre des Hot Pants, le groupe qui a précédé La Mano Negra, donc avec Manu Chao, bien sûr. Alors pourquoi ce titre ? D'abord parce que tout bêtement, c'est un titre que je trouve excellentissime, très sautillant, qui va bien le matin, qui donne la patate. Mais surtout, c'est pour vous parler d'un bouquin qui a évidemment à voir en direct avec les Hot Pants. Je veux parler d'un livre qui s'appelle « Vivre, libre ou mourir », qui est en fait un sous-titré, une BD qui est sous-titré « Punk et rock alternatif en France de 1981 à 1989 » et qui est signé Nicolas Moog et Arnaud Le Gouefleck. Alors, Nicolas Moog, là aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer pas mal de fois. Nicolas Moog, je l'ai même fait jouer, puisqu'il faut savoir que non seulement c'est un dessinateur, mais c'est un musicien. Il a un groupe qui est très très chouette. Enfin, il avait un groupe qui s'appelait Verdun, puisque c'est quelqu'un qui vient à Verdun, donc de la ville de Verdun. Il est originaire de Metz et c'est quelqu'un qui officie dans la BD depuis un certain nombre d'années. Il avait fait d'ailleurs un bouquin, une BD qui parlait du mouvement underground dans la musique en 2021. Il avait fait une magnifique BD, c'est là où je l'avais découvert, qui s'appelle June en 2011. Et là, il nous sort chez Glénat un bouquin de 176 pages qui s'appelle donc « Vivre, libre ou mourir » sur le mouvement punk et rock alternatif en France de 80 à 89. En fait, c'est... comment dire ? C'est à travers les témoignages de pas mal de protagonistes qui ont vécu toute cette histoire. Alors, il y a évidemment des citations de Alain Malval, qui était le journaliste de l'époque, celui qui a sur Europe 1 et à la télévision, qui a pas mal parlé du mouvement punk français. Marc Zermati, qui était donc un disquaire parisien. Éric Desbris, alors là, par contre, du groupe Metal Urbain. Il y a Théo Acola d'Orchestre Rouge. Il y a Spi, le chanteur de TH. Il y a bien sûr Manu Chao. Il y a François Gilajaro, paix à son âme. Et en fait, par le truchement de ces témoignages, Nicolas Moog nous sort 176 pages, pardon, qui sont vraiment une espèce d'abécédaire en fait du mouvement rock alternatif français. Et c'est assez jouissif à lire. Il faut savoir que Nicolas Moog, c'est quelqu'un qui dessine essentiellement en noir et blanc. Et ce noir et blanc, je trouve, colle tout à fait bien à ce mouvement punk français fin des années 70, début des années 80. Et à la fin, d'ailleurs, il y a une très belle discographie, plutôt très complète. Et d'ailleurs, il y a un QR code où, en fait, avec ce QR code, on peut aller écouter la majorité des titres qu'on se doit d'écouter si on n'est pas des spécialistes du mouvement rock alternatif français des années 80. Il y a une chouette préface de Laurent, le chanteur des Bérus. Et donc voilà, c'est un bouquin qui est un véritable coup de cœur. Je suis pas étonné parce que Nicolas Moog, je le suis depuis très longtemps. Je n'ai jamais été déçu par en fait les thèmes abordés et puis la qualité de son dessin. Autre BD qui n'a strictement rien à voir, par un auteur là aussi que j'adore et que je connais depuis un certain nombre d'années. Ça s'appelle Nos Rives Partagées. C'est signé Nicobi et au dessin et Zabus au scénar. Philippe Horry à la couleur, faut-il le préciser, il y a encore des coloristes, il y a encore des gens qui font uniquement la couleur, qui sont souvent d'ailleurs même plus cités sur les bouquins, là en l'occurrence il l'est. Ça sort chez Dargo, 22€, 158 pages. C'est une sorte de récit choral où en fait on retrouve 6 personnages que rien ne rapproche, mais en fait qui vont se croiser. Alors il y a comme ça, c'est divers et varié. Il y a Simon qui est un prof, il y a Diane, il y a Nicole qui est une retraitée militante, il y a Pierre qui est un type âgé, un peu usé, il y a Gilles, une ado, et puis il y a Hugo. Et on va voir un peu leur existence au jour le jour. C'est une sorte de chronique assez sensible et humaniste. En fait, même quand c'est ce que dit un peu Nicodi, quand le tragique rôde, la vie peut être quand même belle. Nicobi, c'est un auteur qui est plutôt assez optimiste et qui joue souvent sur l'humour. Et même dans ce récit un peu choral, on arrive à trouver des points extrêmement positifs avec des personnages à qui il va arriver des choses d'ailleurs pas très drôles. Donc ça donne Nos Rives Partagées. Ça sort chez Dargo, 22€, 158 pages. Et on va se faire une dernière respiration musicale et on se retrouve après ça. Come on. 10h34 sur le 895 de Radio Joe dans le magazine mensuel de la bande dessinée Au Rieur Sanglier. Tel est le titre de ce magazine. On se retrouve tous les troisièmes mercredis du mois. Voilà, donc nous sommes le 15 mai 2024. Et ce qu'on vient de se mettre dans les oreilles, et là aussi, petite parenthèse musicale locale, puisque c'était un groupe stéphanois qui s'appelle les Small Talks, avec le titre Checks to Chicks. Alors, pour presque terminer cette émission, je voudrais aussi quand même parler d'une BD que j'ai trouvée fort intéressante chez Futuro, toujours chez Futuro, qui est sortie au mois d'avril, qui s'appelle Les Crayons, qui est signée par Frédéric Biel. Frédéric Biel, c'est un auteur tout en simplicité et en douceur. En fait, c'est quelqu'un qui se rappelle de sa vie de petit garçon quand il avait 6 ans dans le Limousin. Quelqu'un qui va croiser des choses à la fois rigolotes, sensibles, sympas, mais aussi qui va croiser la mort, entre guillemets. Ça donne un bouquin que j'ai beaucoup aimé, que je passe. Voilà. Par contre, on essaye toujours d'être assez honnête. Forcément, dans tout ce qui sort, dans les 300 ou 400 BD qui sortent par mois, il n'y a pas forcément que des choses admirables et formidables. C'est le cas avec, le mois dernier, je vous avais parlé d'un collectif avec l'ami Fab Caro qui était sorti chez Six Pieds Sous Terre qui ne m'avait pas vraiment enthousiasmé. C'est un peu le cas là aussi chez Dupuis avec un bouquin qui s'appelle Barcelona âme noire, signé Lapierre, Jacoupi, Torrens et Pellerero. Pourtant Pellerero est un grand auteur, pas du tout adhéré à ce polar qui en fait se veut très noir mais qui n'a, à mon sens, ni queue ni tête, et c'est bien dommage. Et peut-être faire aussi un petit récapitulatif sur ce dont on a parlé pendant ces quasi 45 minutes. Revenir donc à Amour, Sexe et Terre Promise, signé par notre ami Deloupi et Salomé Parent Rajdi au scénario, qui sort donc aux Arènes, sous-titré Reportage en Israël et Palestine, qui est vraiment, vraiment une belle somme, 150 pages de docu-fiction assez magnifique, même si effectivement le thème l'est un peu moins. Reparler des Ennemis du Peuple, signé Vincenzo Bizzari et Emiliano Pagani, qui sort chez Glénat et qui est une formidable fiction qui parle tellement bien de l'Italie actuelle, avec un mouvement de grève, une usine qui va fermer, etc. Reparler aussi de Tanibis, cet éditeur villeurbanais qui fait un travail formidable avec souvent des auteurs étrangers, d'ailleurs faut-il le préciser. Là en l'occurrence c'est un auteur local qui s'appelle Aurélien, signé Jeff Lemire et Jock chez Urban. Là aussi on se prend vraiment, on tombe dans ce récit. Le bouquin qui s'appelle Retour à Garden City 89, signé du formidable Nicolas Moog. Et on a terminé avec Nos Rives Partagées, signé Nicobi et Zabus. Formidable bouquin qui donne pré-vacances. C'est les périodes où on a beaucoup envie de lire, on a probablement plus de temps. On se fera un plaisir de vous parler, bien sûr, de ces nouveautés, de nos coups de cœur. Puis bien sûr, d'autres choses. On aura l'occasion, je pense, de rencontrer. Attack on my time point, go beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. You are listening.